Chapitre 28e. Je n'étais pas le seul agent secret de la police de sûreté. Un juif, nommé Gaffray, m'était adjoint. Il avait été employé avant moi, et comme ses principes n'étaient pas les miens, nous ne fûmes pas longtemps d'accord. Je m'aperçus qu'il avait une mauvaise conduite. J'en avertis le chef de division, qui, ayant reconnu la vérité de mon rapport, l'expulsa et lui donna l'ordre de quitter Paris. Quelques individus sans autre aptitude au métier que cette espèce de rouerie que l'on acquiert dans les prisons étaient également attachés à la police de sûreté, mais ils n'avaient point de traitement fixe et n'étaient rétribués que par capture. Ces derniers étaient des condamnés libérés. Il y avait aussi des voleurs en exercice dont on tolérait la présence à Paris, à la condition de faire arrêter les malfaiteurs qu'ils parviendraient à découvrir. Souvent, quand ils ne pouvaient mieux faire, il leur arrivait de livrer leurs camarades. Après les voleurs tolérés, venait en troisième ou en quatrième ligne toute cette multitude de méchants garnements qui vivaient avec des filles publiques malfamées. Cette caste ignoble donnait parfois des renseignements fort utiles pour arrêter les filous et les escrocs. D'ordinaire, ils étaient prêts à fournir toute espèce d'indication pour obtenir la liberté de leur maîtresse lorsqu'elles étaient détenues. On tirait encore parti des femmes qui vivaient avec ces voleurs connus et incorrigibles, qu'on envoyait de temps en temps faire un tour à Bicêtre. C'était là le rebut de l'espèce humaine, et pourtant il avait été jusqu'alors indispensable de s'en servir, car une expérience malheureusement trop longue avait démontré que l'on ne pouvait compter ni sur le zèle, ni sur l'intelligence des inspecteurs. L'intention de l'administration n'était pas d'employer à la recherche des voleurs, des hommes non soudoyés, mais elle était bien aise de profiter de la bonne volonté de ceux qui, par un intérêt quelconque, ne se dévouaient à la police que sous la réserve qu'ils resteraient derrière le rideau et jouiraient de certaines immunités. M. Henri avait compris depuis longtemps combien il était dangereux de faire usage de ses couteaux à deux tranchants. Depuis longtemps, il avait songé à s'en délivrer. Et c'était dans cette vue qu'il m'avait enrôlé dans la police, qu'il voulait purger de tous les hommes dont le penchant au vol était bien avéré. Il est d'écure que les médecins n'opèrent qu'en faisant usage du poison. Il peut se faire que la lèpre sociale ne puisse se guérir que par des moyens analogues. Mais ici, le poison avait été administré à trop forte dose. Ce qui le prouve, c'est que presque tous les agents secrets de cette époque ont été arrêtés par moi en flagrant délit et que la plupart sont encore dans les bagnes. Lorsque j'entrai à la police, tous ces agents secrets des deux sexes durent naturellement se liguer contre moi. Prévoyant que leur règne allait finir, ils firent tout ce qui dépendait d'eux pour le prolonger. Je passais pour inflexible et impartial. Je ne voulais pas ce qu'ils appelaient prendre des deux mains. Il était juste qu'ils se déclarassent mes ennemis. Ils n'épargnèrent pas les attaques pour me faire succomber. Inutiles efforts, je résistais à la tempête, comme ces vieux chênes dont la tête se courbe à peine malgré la violence de l'ouragan. Chaque jour, j'étais dénoncé, mais la voix de mes calomniateurs était impuissante. Monsieur Henri, qui avait l'oreille du préfet, lui répondait de mes actions, et il fut décidé que toute dénonciation dirigée contre moi me serait immédiatement communiquée et qu'il me serait permis de la réfuter par écrit. Cette marque de confiance me fit plaisir, et sans me rendre ni plus dévoué, ni plus attaché à mes devoirs, elle me prouva du moins que mes chefs savaient me rendre justice, et rien au monde n'aurait été capable de me faire déroger au plan de conduite que je m'étais tracé. En toute chose, pour réussir, il faut un peu d'enthousiasme. Je n'espérais pas rendre honorable la qualité d'agent secret, mais je me flattais d'en remplir les fonctions avec honneur. Je voulais que l'on me jugeât intègre, incorruptible, intrépide, infatigable. J'aspirais aussi à paraître en toute occasion capable et intelligent. Le succès de mes opérations contribua à donner de moi cette opinion. Bientôt, M. Henri ne fit plus rien sans me consulter. Nous passions ensemble les nuits à combiner des moyens de répression qui devinrent si efficaces qu'en peu de temps le nombre des plaintes en vol fut considérablement diminué. C'est que le nombre des voleurs de tout genre s'était réduit en proportion. Je puis même dire qu'il y eut un moment où les voleurs d'argenterie dans l'intérieur des maisons, ceux qui dévalisent les voitures et chaises de poste et autres rusés coquins, que j'ai réduit à l'inaction. Je n'étais pas décidé à laisser à leur successeur le loisir d'acquérir une si rare habileté. Depuis environ 6 mois, je marchais seul, sans autre auxiliaire que quelques femmes publiques qui s'étaient dévouées, lorsqu'une circonstance imprévue vint me faire sortir de la dépendance des officiers de paix qui jusqu'alors avaient si adroitement fait rejaillir sur eux le mérite de mes découvertes. Cette circonstance eut l'avantage pour moi de mettre en évidence la mollesse et l'ineptie des inspecteurs qui s'étaient plaints avec tant d'amertume de ce que je leur donnais trop d'occupation. Pour arriver au fait, je vais reprendre la narration de plus haut. En 1810, des vols d'un genre nouveau et d'une hardiesse inconcevable vinrent tout à coup donner l'éveil à la police sur l'existence d'une bande de malfaiteurs d'une nouvelle espèce. la presque totalité des vols avaient été commises à l'aide d'escalades et d'effractions. Les appartements situés au premier et même au deuxième étage avaient été dévalisés par ces voleurs extraordinaires, qui jusqu'alors ne s'étaient attaqués qu'aux maisons riches. Il était même aisé de remarquer que ces coquins s'y prenaient de manière à indiquer qu'ils avaient une parfaite connaissance des localités. Tous mes efforts pour découvrir ces adroits voleurs étaient restés sans succès, lorsqu'un vol, dont l'exécution semblait présenter d'insurmontables obstacles, fut commis rue Saint-Claude, près celle de Bourbon-Villeneuve, dans un appartement au deuxième au-dessus de l'entresol, dans la maison même où demeurait le commissaire de police du quartier. La corde de la lanterne suspendue à la porte de ce fonctionnaire avait servi d'échelle. Une musette, un petit sac de toile dans lequel on donne l'avoine aux chevaux stationnaires, avait été laissée sur le lieu du crime, ce qui fit présumer que les voleurs pouvaient être des cochers de fiacre, ou tout au moins que des fiacres avaient aidé à l'expédition. M. Henri m'engagea à prendre des renseignements sur les cochers, et je parvins à savoir que la musette avait appartenu à un nommé Husson, conduisant le fiacre numéro 712. Je fis mon rapport, Husson fut arrêté, et par lui on eut des notions sur deux frères nommés Delzeb, dont l'aîné ne tarda pas non plus à être sous la main de la police. Ce dernier, interrogé par M. Henri, fut amené à faire quelques révélations importantes qui firent arrêter le nommé Métral, employé en qualité de frotteur dans la maison de l'impératrice Joséphine. Ce dernier était signalé comme le receleur de la bande, composée presque entière de Savoyards, nés dans le département du Léman. La continuation de mes recherches me conduisit à m'assurer de la personne des frères Pissard, de Grenier, de Lebrun, de Piessard, de Mabou, dit l'apothicaire, de Séracé, de Durand, enfin de 22, qui plus tard furent tous condamnés au fer. Ces voleurs étaient pour la plupart commissionnaires, frotteurs ou cochers, c'est-à-dire qu'ils appartenaient à une classe d'individus dans laquelle la probité était une tradition et qui, de temps immémorial, étaient réputés honnêtes parmi les Parisiens. Tous dans leur quartier étaient regardés comme des hommes éprouvés, incapables de convoiter même le bien d'autrui, et cette considération qu'on leur accordait les rendait d'autant plus redoutables que les personnes qui les employaient, soit à scier le bois, soit tout autre ouvrage, étaient sans défiance à leur égard et les laissaient s'introduire partout. Quand on sut qu'ils étaient impliqués dans une affaire criminelle, à peine osait-on croire qu'ils fussent coupables. Moi-même, je balançais quelque temps à le supposer. Cependant, il fallut se rendre à l'évidence des faits, et la vieille renommée des Savoyards, dans une capitale où elle était restée intacte durant des siècles, s'évanouit sans retour. Dans le courant de 1812, j'avais livré à la justice les principaux membres de la bande. Cependant, Delzeb jeune n'avait pas encore été atteint et continuait de se dérober aux investigations de la police, lorsque le 31 décembre, M. Henri me dit « Je crois que si nous nous y prenions bien, nous viendrions à bout d'arrêter l'écrevisse, le surnom de Delzeb. Voici le jour de l'an. Il ne peut manquer d'aller voir la blanchisseuse qui lui a si souvent donné asile, ainsi qu'à son frère. J'ai le pressentiment qu'il viendra, soit ce soir, soit dans la nuit, soit enfin demain, dans la matinée. » Je fus de l'avis de M. Henri, et il m'ordonna en conséquence d'aller avec trois inspecteurs me placer en surveillance à proximité du domicile de la blanchisseuse qui restait rue des Grésillons, faubourg Saint-Honoré, à la Petite Pologne. Je reçus cet ordre avec cette satisfaction qui m'a constamment présagé la réussite. Accompagné des trois inspecteurs, je me rends à 7 heures du soir au lieu indiqué. Il faisait un froid excessif, la terre était couverte de neige, l'hiver n'avait pas encore été si rigoureux. Nous nous postons aux aguets. Après plusieurs heures, les inspecteurs transis, et ne pouvant plus résister, me proposent de quitter la station. J'étais moi-même à moitié gelé, n'ayant pour me garantir qu'un vêtement fort léger de commissionnaire. Je fis d'abord quelques observations, et quoiqu'il m'eût été fort agréable de me retirer, il fut convenu que nous resterions jusqu'à minuit. À peine cette heure fixée pour notre départ a-t-elle sonné, il me somme de tenir ma promesse, et nous voilà, abandonnant en poste qu'il nous était prescrit de garder jusqu'au jour. Nous nous dirigeons vers le palais royal, un café est encore ouvert. Nous entrons pour nous réchauffer, et après avoir pris un bol de vin chaud, nous nous séparons, chacun dans l'intention de gagner notre logis. Tout en m'acheminant vers le mien, je réfléchis à ce que je viens de faire. « Et quoi ? » me disais-je, « oublier si vite les instructions qui m'ont été données. Tromper de la sorte la confiance du chef, c'est une lâcheté impardonnable. Ma conduite me semblait non seulement répréhensible, mais encore, je pensais qu'elle méritait la punition la plus sévère. J'étais au désespoir d'avoir suivi l'impulsion des inspecteurs. Décidé à réparer ma faute, je prends le parti de retourner seul au poste qui m'était assigné. Bien résolu à y passer la nuit, dussé-je mourir sur la place. Je reviens donc à la Pologne et me blottis dans un coin pour ne pas être aperçu par Delzeb dans le cas où il prendrait fantaisie de venir. Il y avait une heure et demie que j'étais dans cette position. Mon sang se congelait. Je sentais faillir mon courage. Tout à coup, il me vient une idée lumineuse. Non loin de là est un dépôt de fumier et d'autres immondices, dont la vapeur révèle un état de fermentation. Ce dépôt est ce que l'on nomme la voirie. J'y cours, et après avoir creusé dans un endroit une fosse assez profonde pour y descendre jusqu'à hauteur de la ceinture, je m'enfonce dans le trou où une douce chaleur rétablit la circulation dans mes veines. À 5 heures du matin, je n'avais pas quitté ma retraite, où, sauf l'odeur, j'étais assez bien. Enfin, la porte de la maison qui m'était signalée s'ouvre pour donner passage à une femme qui ne la referme pas. Aussitôt, sans faire de bruit, je m'échappe de la voirie, et peu d'instants après, j'entre dans la cour. J'examine, mais je ne vois de lumière nulle part. Je savais que les associés de Delzeb avaient une manière de s'appeler en sifflant. Leur coup de sifflet, qui était celui des cochers, m'était connu. Je l'imite, et à la deuxième fois, j'entends crier « Qui appelle ?» C'est le chauffeur, cocher de qui Delzeb avait appris à conduire. « Qui siffle les crevisses ?» « Est-ce toi ?» me crie encore la même voix. C'était Delzeb. « Oui, c'est le chauffeur qui te demande. Descends. J'y vais. Attends-moi une minute. » « Il fait trop froid, » lui répliquai-je. « Je vais t'attendre chez le rogomiste du coin. Dépêche-toi, entends-tu ?» Le rogomiste avait déjà ouvert. On sait qu'au premier jour de l'an, ils ont des pratiques matinales. Quoi qu'il en fût, je n'étais pas tenté de boire. Afin de tromper Delzeb par une feinte, j'ouvre la porte de l'allée, et l'ayant laissé bruyamment retomber sans sortir, je vais me cacher sous un escalier dans la cour. Bientôt après, Delzeb descend, je l'aperçois. Marchant alors droit à lui, je le saisis au collet, et lui mettant le pistolet sur la poitrine, je lui notifie qu'il est mon prisonnier. « Suis-moi, lui dis-je, et songe bien qu'au moindre geste, je te casse un membre. Au surplus, je ne suis pas seul. » Muet de stupéfaction, Delzeb ne répond mot et me suit machinalement. Je lui ordonne de me remettre ses bretelles. Il obéit. Dès ce moment, je fus maître de lui. Il ne pouvait plus me résister ni fuir. Je me hâtai de l'emmener. L'horloge frappait 6 heures comme nous entrions dans la rue du Roger. Un fiacre vint à passer, je lui fis signe d'arrêter. L'état où le cocher me voyait dut lui inspirer quelques craintes pour la propreté de sa voiture, mais j'offris de lui payer double course, et séduit par l'appât du gain, il consentit à nous recevoir. Nous voici donc roulant sur le pavé de Paris. Pour être plus en sûreté, je garrotte mon compagnon, qui, ayant pris ses sens, pouvait avoir le désir de s'insurger. J'aurais pu, comptant sur ma force, ne pas employer ce moyen. Mais comme je me proposais de le confesser, je ne voulais pas me brouiller avec lui, et des voies de fait, lors même qu'il les aurait provoquées par une rébellion, auraient eu infailliblement ce résultat. Delzeb, réduit à l'impossibilité de s'évader, je tâchais de lui faire entendre raison. Afin de l'amadouer, je lui offre de se rafraîchir. Il accepte. Le cocher lui procure du vin, et sans avoir de but fixe, nous continuons de nous promener en buvant. Il était encore de bonne heure. Persuadé qu'il y aurait quelque avantage pour moi à prolonger le tête-à-tête, je propose à Delzeb de l'emmener déjeuner dans un endroit où nous trouverons des cabinets particuliers. Il était alors tout à fait apaisé et paraissait sans rancune. Il ne repousse pas l'invitation et je le conduis au cadran bleu. Mais avant d'y arriver, il m'avait déjà donné de précieux renseignements sur bon nombre de ses affidés, encore libres dans Paris, et j'étais convaincu qu'à table, il se déboutonnerait complètement. Je lui fis entendre que le seul moyen de se rendre intéressant aux yeux de la justice était de faire des révélations. Et afin de fortifier sa résignation, je lui décochai quelques arguments d'une certaine philosophie que j'ai toujours employée avec succès pour la consolation des prévenus. Enfin, il était parfaitement disposé quand la voiture s'arrêta à la porte du restaurateur. Je le fis aussitôt monter devant moi, et au moment de faire ma carte, je lui dis que, désirant pouvoir manger avec tranquillité, je le priais de me permettre de l'attacher à ma manière. Je consentais à lui laisser dans toute sa plénitude le jeu des bras et de la fourchette. À table, on ne saurait désirer d'autre liberté. Il ne s'enfonça point de la précaution, et voici ce que je fis. Avec les 2 serviettes, je le liais chaque jambe au pied de sa chaise, à 3 ou 4 pouces du parquet, ce qui l'empêchait de tenter de se mettre debout sans risquer de se briser la tête. Il déjeuna avec beaucoup d'appétit et me promit de répéter en présence de M. Henri tout ce qu'il m'avait confessé. À midi, nous prîmes le café. Belzève était en pointe de vin et nous repartîmes en fiacre, tout à fait réconciliés et bons amis. 10 minutes après, nous étions à la préfecture. M. Henri était alors entouré de ses officiers de paix qui le faisaient leur cours du jour de l'an. J'entre et lui adresse ce salut. J'ai l'honneur de vous souhaiter la bonne et heureuse année, en compagnie du fameux Delzève. Voilà ce qu'on appelle des étrennes, me dit M. Henri, en apercevant le prisonnier, puis s'adressant aux officiers de paix et de sûreté. Il serait à désirer, messieurs, que chacun de vous en eût de semblable à offrir à M. le préfet. Immédiatement après, il me remit l'ordre de conduire Delzève au dépôt et me dit avec bonté, « Vidocq, allez vous reposer, je suis content de vous. » L'arrestation de Delzève me valut d'éclatants témoignages de satisfaction, mais en même temps, elle ne fit qu'augmenter la haine que me vouaient les officiers de paix et leurs agents. Un seul, M. Thibault, ne cessa pas de me rendre justice. Faisant chorus avec les voleurs et les malveillants, tous les employés qui n'étaient pas heureux en police jetaient feu et flamme contre moi. À les entendre, c'était un scandale, une abomination, d'utiliser mon zèle pour purger la société des malfaiteurs qui troublent son repos. J'avais été un voleur célèbre, il n'y avait sorte de crime que je n'eusse commis. Tels étaient les bruits qu'ils se plaisaient à accréditer. Peut-être en croyaient-ils une partie. Les voleurs du moins étaient persuadés que j'avais, comme eux, exercé le métier, en le disant ils étaient de bonne foi. Avant de tomber dans mes filets, il fallait bien qu'ils pussent supposer que j'étais un des leurs. Une fois pris, ils me regardaient comme un faux frère, mais je n'en étais pas moins, à leurs yeux, un gringe de la haute pègre, un voleur du grand genre. Seulement je volais avec impunité, parce que la police avait besoin de moi. C'était là le compte que l'on faisait dans les prisons. Les officiers de paix et les agents en sous-ordre n'étaient pas fâchés de le répandre comme une vérité. Et puis, peut-être, en devenant l'écho des misérables qui avaient à se plaindre de moi, ne présumaient-ils pas mentir autant qu'ils le faisaient, car en ne se donnant pas la peine de vérifier mes antécédents jusqu'à un certain point, il était excusable de penser que j'avais été voleur, puisque, de temps immémorial, tous les agents secrets avaient exercé cette noble profession. Ils savaient qu'ainsi avaient commencé les Goupils, les Compères, les Florentins, les Lévesques, les Cocolabour, les Bourdari, les Cadet-Herriers, les Henri Lamy, les César Vioque, les Boutet, les Gaffray, les Manigans, enfin tous ceux qui m'avaient précédé ou qui m'étaient adjoints. Ils avaient vu la plupart de ces agents tomber en récidive, et comme je leur semblais avec raison beaucoup plus rusé, beaucoup plus actif, beaucoup plus entreprenant qu'eux, ils en conclurent que j'étais le plus adroit des mouchards, c'est que parce que j'avais été le plus adroit des voleurs. Cette erreur de raisonnement, je la leur pardonne. Il n'en est pas de même de cette assertion, intentionnellement calomnieuse, que je volais tous les jours. M. Henri, frappé de l'absurdité d'une pareille imputation, leur répondit par cette observation. « S'il est vrai, leur dit-il, que Vidocq commet journellement des vols, c'est une raison de plus pour vous accuser d'incapacité. Il est seul, vous êtes nombreux, vous êtes instruits qu'il vole. Comment se fait-il que vous ne le preniez pas sur le fait? Seul, il est parvenu à saisir en flagrant délit plusieurs de vos collègues, et vous ne pouvez à vous tous lui rendre la pareille. » Les inspecteurs auraient été fort embarrassés de répondre. Ils se turent. Mais comme il était trop évident que l'inimitié qu'ils me portaient irait toujours croissant, le préfet de police prit le parti de me rendre indépendant. Dès ce moment, je fus libre d'agir comme je le jugerais convenable au bien du service. Je ne reçus plus d'ordre direct que de M. Henri et ne fus astreint à rendre compte de mes opérations qu'à lui seul. J'eusse redoublé de zèle s'il eût été possible. M. Henri ne craignait pas que mon dévouement se ralentît. Mais comme déjà il se trouvait des gens qui en voulaient à mes jours, il me donna un auxiliaire qui fut chargé de me suivre à distance et de veiller sur moi afin de prévenir les coups qu'on aurait eu l'intention de me porter dans l'ombre. L'isolement dans lequel on m'avait placé favorisa singulièrement mes succès. J'arrêtai une multitude de voleurs qui auraient encore longtemps échappé aux recherches si je n'eusse pas été affranchi de la tutelle des officiers de paix et du cortège des inspecteurs. Mais plus souvent en action, je finis aussi par être plus connu. Les voleurs jurèrent de se défaire de moi. Maintes fois, je faillis tomber sous leurs coups. Ma force physique, si j'ose dire, mon courage, me firent sortir victorieux des guet-apens les mieux combinés. Plusieurs tentatives, dans lesquelles les assaillants furent toujours maltraités, leur apprirent que j'étais décidé à vendre chèrement ma vie.